Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission de Ça roule radio. Une émission qui, en fait, n'en est pas vraiment une aujourd'hui. Disons que c'est votre émission 50 et demi plutôt que la 51, puisque vous aurez droit, en fait, à la moitié d'une émission, à peu près 30 minutes, et à la moitié d'une équipe, puisque pour une fois, je vais faire l'émission tout seul. Et attention, je ne veux pas dire que Luc ne sera pas avec moi, il va être là la semaine prochaine, mais c'est un peu ma faute. Cette semaine, j'ai malheureusement dû abandonner l'enregistrement au moment où c'était prévu. Et aujourd'hui, ben, Luc a choisi de travailler plutôt que d'enregistrer l'émission. On peut le comprendre, évidemment. Vous aurez compris que c'est tout à fait normal. Alors, ce que ça fait, c'est que je suis tout seul pour faire l'émission. On va quand même parler d'automobile pendant une trentaine de minutes, ce qui devrait vous permettre d'être au courant des dernières nouveautés. Je l'espère en tout cas. On vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à info@saroulradio.com. Oui, Jerry, j'ai bien appris l'adresse courriel. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre à Luc ou à moi, puisqu'on reçoit tous les deux. Bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur différents médias sociaux, mais ça, je vous dirai tout ça à la fin de l'émission. Ce matin, on va quand même prendre quelques minutes pour faire une petite émission un peu chargée. Et je vais commencer par une mésaventure qui m'est arrivée. Si vous avez lu mon blog, vous la connaissez peut-être déjà. Vous savez que je ne suis pas nécessairement le plus grand partisan des véhicules électriques, bien que j'admette qu'ils sont quand même agréables à conduire. C'est quand même le fun, là. Ça, évidemment, c'est très nerveux parce que c'est un véhicule électrique. Aussitôt qu'on appuie sur l'accélérateur, ça décolle. On sent tout le couple qui est facilement accessible. Bref, c'est quand même relativement agréable. Je conduis depuis quelques jours la Hyundai Ioniq électrique que Luc a tant aimé au cours des 2 dernières semaines, alors que moi je conduisais la Bolt. Je dois vous dire qu'il a raison sur un point. La voiture est extrêmement agréable à conduire. Elle est jolie, d'une part. Elle a une belle silhouette. Bien sûr, elle partage la même silhouette que les autres, là. On a d'ailleurs appris le prix cette semaine. On parle de 35 000 $ environ pour la version électrique. La version hybride commence aux alentours de 26 000 $, ce qui est quand même très, très, très, très abordable compte tenu du genre de véhicule. Dans le cas de la Ioniq, la qualité de finition à l'intérieur du véhicule, elle est impeccable. C'est vraiment joli. On a même des appliques de couleurs particulières autour du tableau de bord, autour de la console centrale. C'est vraiment beau. On a bien réussi. On a un écran facile à consulter, beaucoup d'informations. Même les cadrans devant nous sont faciles à consulter. Bref, c'est vraiment un véhicule qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Qualité de conduite aussi, quand on est sur la route, on ressent vraiment bien la direction qui est agréable, les suspensions qui sont bien adaptées, mieux que la Bolt, je dois le dire. Et de l'espace à l'intérieur, ben, on en a quand même suffisamment. Bien sûr, ce n'est pas une grosse voiture, mais assis à l'arrière, ça va très bien. Et on a pas mal d'espace, même espace de chargement qui est correct, on ne peut pas parler de grand espace, mais qui est correct, même s'il est un peu limité en hauteur, à cause de la coupe hatchback qu'on veut, si on veut, de la Hyundai Ioniq. Alors, bon, j'ai cette voiture-là, je vous l'ai dit, j'ai conduit la Bolt la semaine dernière. Vous savez que je n'ai pas de borne de recharge à la maison. J'ai donc dû brancher ma voiture sur le 110 comme je l'ai fait avec la Bolt. La Bolt, il n'y a eu aucun problème. Oui, évidemment, les temps de recharge sont assez longs. On parle d'une 14-15 heures à peu près, et un peu plus dans le cas de la Bolt. On parle de 19 heures pour être en mesure d'aller chercher le maximum de capacité de ce véhicule-là. Vous aurez compris que c'est très très long. C'est pas le genre d'affaire qu'on fait quand on est pressé. Mais bon, si j'avais une voiture électrique en ma possession de façon permanente, comme mon collègue Luc l'a, ben évidemment, j'aurais investi les quelques centaines de dollars nécessaires pour avoir ce genre de borne-là chez moi. Malheureusement, je n'en ai pas. Alors, ça règle le cas. Et ben, j'ai voulu brancher ma Hyundai Ioniq. Je vous rappelle qu'avec la Bolt, j'ai eu aucun problème. Quand je suis arrivé avec la Ioniq la première soirée, je me suis rendu compte. Non, en fait, je ne me suis pas rendu compte tout de suite parce qu'il pleuvait. J'ai donc été brancher la voiture sans vraiment regarder ce que je faisais. Et je suis allé me coucher bien gentiment en me disant demain matin, elle va être complète. Malheureusement, j'avais comme mal évalué les choses et ça n'a pas donné tout à fait ce à quoi je m'attendais. En fait, je dirais même pire que ça, ça n'a pas du tout donné ce à quoi je m'attendais parce qu'il n'y a eu aucune recharge à l'intérieur du véhicule tout au long de la nuit. Évidemment, un peu inquiet, et j'ai regardé, et sur le chargeur de Hyundai, il y a une espèce de petit affichage qui me disait que ma prise n'était pas fonctionnelle. Ah bon, ok. J'ai donc décidé d'aller voir ma voisine qui gentiment m'a donné la permission de m'installer et de recharger la voiture sur son circuit à elle. Je l'ai branché, aucune difficulté, tout s'est bien déroulé. Alors bon, écoutez, j'ai eu l'occasion de me charger là et ça a bien été. Mais ça me dérangeait quand même profondément de voir que ma voiture n'était pas capable de se recharger. Alors j'ai fait, OK, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc vérifié ma prise. Je ne savais pas trop ce qui se passait. J'ai décidé de partir avec mon petit fil et d'aller voir si mes voisins étaient aussi compatibles avec la Hyundai ou pas. Vous pouvez vous imaginer assez facilement de quoi j'ai eu l'air à 8 h le matin à me promener avec mon fil de recharge bleu royal. Et quand je vous parle de bleu royal, c'est d'un beau bleu royal, là. Oubliez la discrétion, on n'est pas là du tout. Alors, je suis parti avec mon fil et je suis allé explorer une douzaine de maisons autour de chez moi. Évidemment, vous aurez compris que oui, j'aurais dû demander la permission et que ben, même si j'arrivais pas avec la voiture, j'arrivais seulement avec le fil et que j'étais là pour quelques secondes, ça a pu surprendre quelques voisins. Heureusement, ils me connaissent. Donc, il n'y a personne qui a appelé la police, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et à ce moment-là, ben, j'ai pu tester les prises de mes voisins et à ma grande surprise, une sur trois ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que j'ai testé une douzaine de prises extérieures et pour une sur trois, le chargeur de Hyundai n'était pas compatible. Vous allez me dire, c'est pas grave parce que c'est du 110, puis que si j'avais une voiture à moi, j'aurais une borne de recharge. Là où ça devient grave, en fait, c'est si vous vous en allez chez quelqu'un qui n'a pas de borne de recharge. Par exemple, vous décidez d'aller avec votre Hyundai Ioniq chez votre belle-maman et vous vous retrouvez là-bas un soir, puis votre voiture est déchargée parce que, bon, belle-maman reste à une certaine distance. Je vous rappelle que l'autonomie approximative de la Ioniq est de 190 à 200 km. Je n'ai pas réussi à faire mieux que 160, mais tu sais, un dans l'autre, ça se déroule quand même relativement bien. Alors, vous vous retrouvez chez belle-maman, votre voiture est complètement vide. Et là, vous essayez de la brancher sur le circuit qui est là, qui est un circuit 110 volts. Malheureusement, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas compatible. Vous allez donc devoir partir à la recherche de bornes publiques dans l'environnement de belle-maman. Bien sûr, vous pouvez aller sur les bornes de recharge rapide. On dit qu'en une demi-heure, vous allez charger de 75%. Et tout ça, on le sait, là. Ça, j'ai aucun doute et je ne mets pas en doute cette capacité-là. Mais je m'interroge quand même parce que ça demeure une des principales qualités, un des principaux avantages de la voiture électrique, c'est d'être en mesure de la recharger à la maison. Et quand ce n'est pas chez vous, bien entendu, c'est chez quelqu'un d'autre. Mais si elle n'est pas compatible, ça pose un sérieux problème. J'ai fait quelques vérifications. D'une part, je dois vous dire que c'était ma prise de courant dont les fils ont été inversés parce que ma voisine est non seulement gentille, mais elle est électricienne. Alors, elle est venue m'arranger ça en quelques minutes. Le problème, en fait, c'est que je suppose que si c'est une sur trois qui était comme ça veut dire que je ne suis pas le seul aux prises avec ce problème-là. Moi, je suis dans un bungalow qui date de la fin des années 70. Probablement qu'il y a eu des réfections de faites par les propriétaires. Et même celle-là, je pense que c'est même moi qui l'avais posée et je l'ai posée à l'envers. Donc, ça veut dire, en fait, que la prise ne fonctionnait pas. Là où j'ai un problème, c'est que dans le cas de la Bolt, ça n'a posé aucun problème, justement. Ça a très, très bien fonctionné, peu importe ce qui s'est passé. Alors, je m'inquiète un peu à savoir pourquoi celle de Hyundai n'a pas fonctionné aussi bien, pourquoi on a un peu de difficulté avec ça. C'est un peu troublant, c'est pas grave, c'est rien de majeur et vous aurez compris que ça ne devrait pas vous empêcher d'acheter une voiture de cette nature-là, une voiture électrique, mais quand même, on est là vraiment dans ce monde-là et c'est un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer quand on va arriver quelque part. Alors, bon, écoutez. Tout ça pour vous dire que ça demeure quand même une excellente voiture. Je vous l'ai dit, le prix est à 35 649 $ pour la version électrique de la Hyundai Ioniq. La version hybride est à 24 299, qui est quand même un peu moins élevée que celle de la Toyota Prius. Ce qui est intéressant, on ne sait pas cependant quel est le prix de la voiture Ioniq hybride branchable. Il va falloir attendre qu'elle soit plus proche de la commercialisation cet automne et on n'est pas encore tout à fait rendu là. Parlant d'hybride, j'avais envie de vous parler d'une compagnie qui, en fait, on en parle fort peu parce que c'est une compagnie qui n'est pas souvent dans l'actualité et quand elle y est, ce n'est pas nécessairement toujours pour de bonnes raisons, mais il y a des fois où ils font des bonnes choses et je trouve ça important d'en parler. C'est la compagnie Mitsubishi. Vous ne voyez pas le lien avec l'hybride, inquiétez-vous pas, on va y venir. Il faut savoir que, bien sûr, on attend depuis longtemps le fameux Outlander PHEV, qui probablement ne viendra pas parce qu'au moment où on se parle, probablement que sa technologie est déjà dépassée. Ça fait tellement longtemps qu'on nous le présente qu'il n'est plus là. Le prochain qui devrait arriver, en fait, c'est le Mitsubishi Eclipse Cross, qui est un autre SUV. On verra ce que ça va donner, mais évidemment, on est encore dans les spéculations du côté de Mitsubishi. Ce que l'on sait cependant, c'est que c'est la dernière année de la Lancer. Rien d'hybride, mais on sait qu'aux États-Unis et probablement au Canada aussi, il y aura une version Limited Edition, une espèce d'adieu à la Lancer qui est là depuis plusieurs années. Mais ce que Mitsubishi a fait cependant, et ce dont on parle fort peu, c'est que la compagnie célèbre cette année son 100e anniversaire. C'est pas rien pour une compagnie automobile. Et ils ont créé en 1917, vous aurez compris, il y a 100 ans, un modèle qui s'appelait un modèle A. Rien à voir avec le modèle de Ford, c'était vraiment un modèle tout à fait particulier et précis à Mitsubishi. On a déjà reconstruit quelques reproductions de ce modèle-là au fil des ans pour faire le tour des salons de l'auto, mais là on a décidé d'y aller vraiment en grande et on fait appel à quelqu'un que l'on connaît bien, qui est West Coast Customs. C'est une compagnie qui, on le sait, est en Californie et qui refait des véhicules abondamment. On va refaire un modèle-là, mais attention! On va le faire cette fois-ci avec, bien entendu, le rouage intégral de Mitsubishi, qui est un rouage intégral assez efficace. On a pu le tester justement dans la Lancer et dans la défunte Evolution, et ça fonctionnait très bien. Donc, il y aura ça, et il y aura une motorisation hybride rechargeable. Bon, évidemment, pas question pour le moment de commercialiser ce genre de véhicule-là. C'est plutôt un élément de démonstration qui va servir à Mitsubishi pour démontrer qu'ils sont en mesure de réaliser ce genre de travail-là. Faut quand même souligner l'effort, quand même souligner qu'ils le font avec un véhicule hybride rechargeable. Donc, ça nous donne une indication de où Mitsubishi veut s'en aller. Évidemment, on est loin de la version originale. Je vous le rappelle, la version originale, c'était la modèle A de Mitsubishi. Écoutez, il y a eu 22 exemplaires de la voiture qui ont été faites. C'est pas quelque chose qui était très, très courant. Et ça produisait un magnifique 35 chevaux du haut de son moteur 4 cylindres de 2,8 litres à l'époque. Alors, vous aurez compris qu'on n'est pas là du tout. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce véhicule-là va être refait d'une certaine façon. Et on va essayer de le présenter un peu partout pour créer en fait un nouvel engouement à l'égard de Mitsubishi, qui en a aussi profité cette semaine pour annoncer son nouveau programme d'image, c'est-à-dire que ses concessionnaires devront donc refaire leur concession, leur building, leur édifice pour correspondre à la nouvelle image. Ce qui donne une bonne indication que Mitsubishi est non seulement là pour rester, mais pour se développer. Il faut dire que Mitsubishi fait maintenant partie de la famille Nissan, de l'alliance Renault-Nissan, et que cette alliance-là, bien entendu, a promis de développer d'ici 5 ans une tonne de nouveaux modèles, incluant plusieurs pour la compagnie Mitsubishi, ce qui est quand même intéressant et qui promet un bel avenir à Mitsubishi, même si on croyait qu'ils étaient un peu plus effacés. Et croyez-le ou non, ils vont quand même relativement bien et ils vont être encore là pour bientôt. Un dernier petit mot, en fait, avant d'aller à la pause. On a vu au cours des années différents records du monde qui ont été faits. On a un Toyota Tundra, notamment, qui a remorqué une navette spatiale, vous vous en souviendrez peut-être. Et bien là, on a décidé qu'on faisait quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire qu'on a pris un Porsche Cayenne et on l'a installé tout simplement devant un Airbus A380, qui est un des plus gros, sinon le plus gros. Je pense que c'est le deuxième plus gros avion du monde. On a donc décidé de lui faire tracter cette espèce d'énorme avion derrière le Cayenne. Évidemment, on avait utilisé le V8 turbo diesel, 380 chevaux, 630 livres de couple, et ça a permis de remorquer le gros véhicule. Ça a été tourné à Londres, je vous invite à faire une petite recherche pour aller voir les vidéos. C'est amusant, ça ne veut absolument rien dire parce que je vous répète qu'on l'avait fait avec notamment la Toyota Tundra et la navette. On l'avait déjà fait auparavant avec un Cayenne aussi, donc voilà. Mes chiens qui décident de faire leur intervention hebdomadaire à l'intérieur de l'émission. Alors, on fait une pause, on va aller faire taire les chiens et on revient. Alors, nous voilà de retour après cette courte pause et après avoir nourri les chiens en espérant que ça va suffire. En fait, c'est un livreur qui était à la porte et qui a fait japper mes gentils toutous qu'un jour je vous présenterai. En tout cas, si vous me suivez sur Facebook, vous avez sûrement eu l'occasion de les voir en photo parce qu'ils y sont régulièrement. Évidemment, ce n'est pas pour parler de mes chiens qu'on est ici, mais bien pour cette nouvelle émission 50 et demi, je dis 50 et demi de Ça roule radio. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien sûr, elle ne durera que la moitié du temps régulier, c'est-à-dire une trentaine de minutes, et que vous n'avez malheureusement pour vous que la moitié de l'équipe traditionnelle, c'est-à-dire moi, Marc Bouchard, alors que Luc Desormeaux est absent. C'est ma faute, je le répète, je prends tout le blâme. On devait enregistrer hier soir, je n'ai pas pu me présenter et ce matin, Luc est au travail. Alors, c'est évidemment l'effet que ça rapporte, c'est-à-dire que vous êtes pris avec moi tout seul pour l'émission. Un peu moins dynamique, pas mal moins intéressant quand Luc n'est pas là. Et je dois vous dire que cette émission-là ne serait rien si Luc n'était pas là. C'est lui le père de Ça roule radio et c'est lui qui en est l'âme. Et évidemment, il n'est pas question qu'on l'abandonne. On a bien hâte de le revoir, mais il va falloir que vous attendiez à la semaine prochaine. Ceci étant dit, on va quand même continuer un petit peu et on va respecter nos traditions, c'est-à-dire qu'on va quand même aller voir ce qu'étaient mes essais cette semaine. J'en ai fait un, c'est une bête incroyable, c'est la Lexus GSF, une voiture que Lexus a produite, que l'on dit-on, presque à la fin de sa durée de vie, puisqu'on y semble... qu'on voudrait éliminer la GS pour la remplacer par la ES, qui est une berline un peu plus de taille un peu moindre, qui est bref une Camry endimanchée, mais qui va quand même relativement bien. Dans le cas de la GSF, c'est une voiture qui est assez particulière. D'une part parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment lourde. C'est une grosse voiture, c'est quelque chose d'assez imposant. Une voiture de laquelle je m'attendais à beaucoup plus de dynamisme en conduite et honnêtement, ça m'a un peu déçu. On me dit cependant que sur la piste, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de la mettre sur la piste, mais c'est quand même, moi je pourrais dire, c'est quand même un peu lourd. On le sent en direction, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la ville avec, c'est quand même... On le ressent, c'est pas aussi agréable et pas aussi dynamique que l'on aurait pu le croire. C'est quand même une voiture extrêmement puissante. On parle de 467 chevaux à peu près. Cependant, pour atteindre ça, il faut vraiment avoir le pied assez pesant, puisque vraiment le maximum de la courbe de puissance se tourne aux alentours de 4800 tours minute. Écoutez, il faut vraiment insister pour faire ça. Sinon, ça demeure une berline confortable, bien que les sièges sport soient assez enveloppants. Malheureusement, avec ma taille de guêpe, j'ai un petit peu de difficulté à me sentir vraiment confortable. Quoique, j'ai trouvé un emplacement raisonnable. J'ai fait l'aller-retour Québec sans trop de difficulté. Pour transmettre la puissance, bien, c'est une boîte automatique séquentielle à 8 rapports. Il faut la mettre en mode sport ou sport plus si on veut être en mesure d'en tirer le maximum. Autrement, je vous le répète, on est vraiment en mode éco et on est en mode conduite de ville, conduite urbaine, agréable, confortable, mais pas particulièrement stimulante. En revanche, pesez dans le fond et vous aurez un son vraiment agressif du moteur V8 parce que c'est un gros V8 qui anime cette voiture-là. Un V8 de 5 litres qui est vraiment, vraiment intéressant. Ceci étant dit, c'est une voiture qui est intéressante du point de vue aussi du confort. C'est-à-dire que vraiment, à l'intérieur, c'est une Lexus avec tout ce que ça implique. Moi, j'aime plus ou moins l'espèce de petite manette là, qui sert de souris littéralement pour aller naviguer dans le système multifonction. On s'y fait rapidement, mais c'est quand même pas, à mon avis, la meilleure façon et la façon la plus ergonomique de faire. Mais j'ai l'impression que ça va potentiellement changer chez Lexus au fur et à mesure qu'on rajeunit. On arrive avec des nouveaux systèmes beaucoup plus efficaces. Gros bémol, la consommation de carburant, elle est excessive. C'est-à-dire que si on la met en mode éco sur autoroute, j'ai réussi à maintenir une moyenne de 8,7 litres au 100 en étant extrêmement poli avec la pédale d'accélérateur et avec le freinage. Quand on la met en mode sport, écoutez, sans faire le fou, sans accélération particulière, je me suis ramassé à 13,7 litres au 100. C'est assez abondant comme consommation. Et ça prend, écoutez, c'est vraiment dommage parce que je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus économique que ça. Encore que, je vous le répète, c'est une voiture qui est considérée pour la performance. Et bien sûr, on a tendance à travailler un peu plus fort avec l'accélérateur et avec le frein dans ce genre de voiture-là. Pour le reste, écoutez, c'est agréable comme voiture, c'est pas du grand luxe. On sent que c'est une voiture qui aura besoin d'être remodelée sous peu chez Lexus. Et je pense que l'idée de l'abandonner pour aller vers l'AES s'explique par ça. Mais elle est quand même très belle. La GSF, bien sûr, avec l'ensemble sport, avec l'aileron en fibre de carbone. Bref, c'est une voiture qui vaut vraiment le coup d'œil. Elle est très jolie. Elle est vraiment impressionnante quand on la regarde. Il faut d'ailleurs voir les espèces d'entrées d'air sur les côtés qui permettent de faire circuler l'air pour avoir un meilleur freinage. Freinage qui, par ailleurs, est extrêmement efficace, il faut le dire. Gros bémol, écoutez, 95 000 $ pour cette voiture-là, la GSF. C'est une belle voiture, mais objectivement, elle n'est pas nécessairement dans mon top 3 de sa catégorie. Quoique, elle se confronte assez agréablement avec les Acura RLX de ce monde et les autres, mais elle en perd un petit peu par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu plus vivantes. Alors voilà, c'était notre essai de la semaine. Vous aurez compris que vous n'en aurez qu'un seul cette semaine, puisque je suis tout seul à faire l'émission. C'est ce que j'ai fait. L'autre, ben, c'est la Ioniq hybride. Pas la Ioniq hybride, la Ioniq électrique dont je vous ai un peu parlé. Pourquoi j'ai deux voitures cette semaine? Tout simplement parce qu'avec l'électrique, dont l'autonomie était limitée à peu près 200 km, je savais que je ne pourrais pas effectuer tous mes déplacements et j'avais l'opportunité cette semaine de tester aussi la GSF. Alors évidemment, j'ai joint l'utile à l'agréable et j'ai été en mesure de prendre les deux voitures, ce qui m'arrive assez rarement, mais dans ce cas-ci, ça valait, je pense, la peine et le déplacement. Parlant de voitures électriques, on en a parlé un peu. Bien sûr, si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous savez que j'ai fait des déclarations sur la Model 3 de Tesla, ce que tout le monde se fait un plaisir de me ramener dans le visage depuis. L'idée, en fait, c'est que là, il semble que M. Musk a décidé de me prendre au mot. Il a annoncé cette semaine qu'il était prêt, entre autres, à relancer la Model 3, probablement dès le mois de juillet. Il faut cependant faire attention. J'ai bien hâte de voir, moi, quelle est la quantité et quels sont les marchés qui vont être touchés par ça. Oui, la Model 3 s'en vient. On le sait, c'est un élément indispensable pour l'avenir de Tesla. Si la Model 3 n'atteint pas le succès espéré, je pense que la compagnie, qui fait extrêmement bien en bourse, pourrait subir de gros revers. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils jouent vraiment leur avenir sur ce véhicule-là. Je pense qu'ils n'auront pas le choix. On va voir, bien sûr, ça va être d'une part les propriétaires actuels de Tesla dans des marchés déjà bien desservis. Donc, c'est probablement surtout aux États-Unis, en Californie, que l'on verra la Model 3. Quand on en croisera une au Canada, on pourra vous en reparler. Mais pour le moment, moi, j'y crois plus ou moins toujours. Je suis encore un peu sceptique. Il semble cependant que la Model 3 pourrait avoir des concurrents plus rapidement qu'on le croirait. En fait, ce sont des chercheurs qui ont décidé d'essayer de s'attaquer à ce problème-là et de voir que le gros problème de la voiture électrique, en fait, c'est oui, bien sûr, la capacité de la batterie, mais surtout l'espace et le poids nécessaires pour ces batteries-là. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est la façon dont les batteries sont connectées. On prend trop de place et trop de poids, donc ça joue contre l'autonomie. Eux essaient de trouver une façon différente d'emballer les batteries et de créer des connexions différentes. On dit qu'en faisant ça, ils seraient capables de limiter l'espace utilisé, donc de prendre à peu près 50% et même un peu moins de l'espace, ce qui pourrait, vers 2020, permettre d'avoir des batteries qui pourraient aller jusqu'à 1000 km d'autonomie. Évidemment, on dit en fait que la façon de faire serait calqué sur les piles à hydrogène, la façon dont les piles à hydrogène sont interconnectées. Donc, on dit que ça prend moins d'espace, plus de facilité. Et à ce moment-là, ben, on verra. Mais on dit que ça pourrait atteindre 1000 km d'autonomie. À ce moment-là, ça deviendrait sérieusement intéressant. Faut voir, bien entendu, à ce moment-là, la durée de recharge aussi, parce que c'est bien beau d'avoir plus de batterie. Mais si ça prend 24 heures de recharge, c'est évidemment pas plus pratique. Vous l'aurez compris. En matière de sécurité, il y a aussi des développements qui se font. Vous le savez, actuellement, tout le monde est pas mal proche de ces questions de sécurité-là. On espère qu'on fait beaucoup de promotions. Bon, la conduite en état d'ébriété, bien entendu, mais surtout et beaucoup la conduite avec un téléphone cellulaire dans les mains, les fameux textos et tout ça. On sait que pour le moment, c'est la difficulté, c'est ça, c'est d'essayer d'empêcher les gens d'utiliser ce genre de système-là. Or, il semble que Nissan pourrait avoir trouvé une façon de faire qui serait intéressante, qui s'appelle le Signal Shield. Le Signal Shield, en fait, c'est un espèce de système qui est basé sur les cages de Faraday. Si vous avez fait des cours de physique dans le passé, vous avez peut-être vu ça à un moment donné. Ce sont des espèces de... En fait, c'est une espèce de cage dans laquelle on peut enfermer le téléphone cellulaire et qui coupe complètement le signal, tous les types de signaux, le Wi-Fi, Bluetooth, les appels, les messages textes. Tout ça est bloqué. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez tout simplement votre téléphone, vous le mettez dans l'appui-bras qui est équipé de ce Signal Shield et vous êtes sûr qu'à ce moment-là, il n'y a aucune façon dont le téléphone peut fonctionner. Si vous en avez besoin parce que vous êtes dans une situation d'urgence, ben vous avez seulement qu'à sortir le téléphone et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Bon, vous me direz que c'est un peu inutile dans la mesure où il vous suffit de l'éteindre. Vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, ça pourrait aider, par exemple, de dire, ben écoutez, on met tous notre téléphone là-dedans et on a la paix dans l'habitacle de la voiture. Écoutez, je pense moi que c'est, oui, l'éducation doit continuer, oui, ce genre de choses-là doit peut-être s'appliquer de façon plus large, mais je ne crois pas que le Signal Shield va vraiment être un élément qui va sauver des vies. Malgré tout, je trouvais intéressant de vous en parler parce qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits en matière de sécurité dans ce domaine-là et je pense que là, on en a un autre beau moyen, donc c'est intéressant. Enfin, un dernier mot avant de vous quitter sur les ventes automobiles du mois d'avril. Pourquoi? Parce que alors qu'on était vraiment dans une période de grande progression au cours des derniers mois, on a malheureusement subi un petit revers au mois d'avril. On est en baisse de 1,6% des ventes, c'est-à-dire que par rapport à l'année passée, là, au cours de la même période, il s'est vendu au Canada 197 203 véhicules en avril contre 200 384 l'année passée. C'est pas une baisse significative, évidemment, mais ça paraît quand même. Et bien entendu, et personne ne va être surpris, ce sont les véhicules passagers, donc les berlines, les coupés, qui ont subi la plus importante baisse, 8,7% de baisse, alors que sans équivoque, les camions légers ont toujours la cote, 2,5% d'augmentation. C'est vraiment spectaculaire. Écoutez, 68% des ventes au Canada en avril étaient tournées vers les camions légers. C'est depuis le début de l'année, là, on s'entend pas juste en avril, mais depuis le début de l'année, c'est vraiment beaucoup, 68%. Il y a des compagnies qui malheureusement ont eu un petit peu plus de difficultés, qu'on pense à Acura par exemple, qui est en baisse de 23%, c'est énorme. Bon, évidemment, chez Smart, on ne s'inquiète pas, là, on est en baisse de 60%, mais on n'a pas vraiment de gros marché. Volkswagen a subi une sérieuse dégelée au mois d'avril, une baisse de 30%. C'est encore une fois très, très, très élevé. Fiat Chrysler est en baisse de 9,1%. C'est aussi important. Land Rover est en baisse de 10%. Mais bon, évidemment, c'est sur un nombre d'unités assez limité. Là, on a vendu seulement 589 véhicules contre 655. C'est plus ou moins significatif. Mazda a subi aussi une baisse importante de 9,3%. Mini, moins 7,5%. Et Nissan, 8,1% vers le bas. Ça aussi, ce sont des marques importantes. Même Toyota a éprouvé de la difficulté. Moins 9,9%. Vous aurez compris que ce n'est pas nécessairement les meilleurs mois pour ces compagnies-là. En revanche, il y a des compagnies pour qui ça va relativement bien. Qu'on pense à Audi qui est en hausse de 7,6%. Qu'on pense à General Motors qui est en augmentation de 16,4%. C'est gigantesque comme bond en avant. Bien sûr, il y a d'autres compagnies. Bon, Honda qui est en progression de 5,8%. Infiniti qui est en progression de 13%. Mais encore une fois, c'est des nombres peu significatifs. Chez Jaguar, alors que Land Rover a eu de la difficulté, Jaguar a littéralement explosé. 157% d'augmentation. Mais encore une fois, on est passé de 122 à 314 véhicules vendus. Ce n'est pas des grands chiffres. 11,1% d'augmentation chez Lexus. Donc, on voit que les voitures... vraiment, les voitures de luxe ont la cote. 9,6% d'augmentation chez Porsche. 8,6% d'augmentation chez Subaru. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que c'est probablement la compagnie avec les voitures abordables, à part GM, qui a progressé le plus avec Honda. Donc, on est vraiment dans une drôle d'époque, je vous dirais. Et c'est vraiment en fonction des nouveaux modèles et des nouveautés que l'on a vu les progressions de vente. Alors, tout ça pour vous dire qu'il s'est vendu 130 000 camions légers, 66 000 véhicules passagers, des berlines et tout ça, et que, bien entendu, Pour tout ça, c'est une baisse de 1,6% jusqu'à maintenant. On sait pas, c'est pas dramatique puisque depuis le début de l'année, on est quand même en progression de 2,5% par rapport à l'année dernière. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette demi-émission, la 50,5 de Ça roule radio. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mon nom est Marc Bouchard. Si vous voulez me rejoindre, je vous l'ai dit, vous me lisez sur mon blog marcbouchard.ca. Vous avez là aussi toutes les coordonnées pour me rejoindre, à la fois sur Twitter, Instagram et sur Facebook. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez sur votre Twitter, c'est Marc souligné Bouchard. Mon collègue Luc Desormeaux, qui n'est pas là avec moi aujourd'hui, mais qui ne nous oublie jamais, vous pouvez aussi le rejoindre sur Twitter à Scalazormeaux. Il est très, très actif là-dessus. Et bien sûr, info à saroulradio.com, plus notre page Facebook, plus bien sûr nos comptes Ça roule radio un peu partout. On vous rappelle que Ça roule radio est diffusé aussi sur les ondes de Radio Highway, de Sport Radio. Et de quelques autres, en fait, de Radio H2O notamment. Et vous pouvez bien entendu nous retrouver à la fois sur iTunes et sur Google Store. C'est facile, Google Play, c'est facile de nous retrouver et de nous télécharger. Comme ça, vous pouvez nous écouter même en roulant. Alors, on vous remercie. J'espère que cette demi-émission vous a plu et on vous retrouve avec une vraie émission et deux vrais animateurs la semaine prochaine.